Écoutez et prêtez attention à la régularité des syllabes inaccentuées et au retour de la syllabe accentuée. 1. La télévision joue fort. 2. Viens me voir ce soir à 8 heures. 3. Dis-moi où tu as mis le dictionnaire. 4. C'est un progrès remarquable. 5. T'intéresses-tu à l'informatique? 6. As-tu visité le Saguenay? 7. As-tu acheté le journal? 8. Ton patron t'a appelé tout à l'heure. 9. Ça s'est terminé à 4 heures. 10. C'est de plus en plus facile à faire.